Sabrina, la dame blanche. Il paraît que nous sommes des ratés, si notre enfance n'est pas su d'hier. Mais tant d'événements me rappellent à quel point la vie est trop précieuse. Pourquoi se battre pour le grand prix si au fond de soi on se sent incompris? Ce morceau pour toutes les âmes perdues, trouver sa place dans ce bas monde c'est hyper dur. Mais frangin, ne fais pas le con, même si t'as des idées noires du haut de ton balcon. Il y a toujours de la lumière solaire ou lunaire. L'histoire est belle quand elle est particulière. On réduit nos rêves, ça ne date pas d'hier. Juger un élève sur quelques matières. Mon esprit d'enfant se sentait menotté. Trop de jugements, je ne supportais pas quand on me notait. On nous répète, trouver sa voie, c'est trouver un métier. Mais trouver la joie, c'est se trouver. Entre incompris, j'ai l'impression qu'on se comprend. Plus on grandit et plus on se contente de ce que le système nous propose et met devant nous. C'est toujours celui qui ose qui se fait traiter de fou. À toutes les âmes de bohème qui ne veulent pas faire le garde à vous. Me trataron de loca, loca, loca, loca, loca. Sur la route, bouteille à la main. Comme si il tenait la lampe merveilleuse d'Aladin. Gagner de l'argent en dépensant pour oublier. La manière dont on le gagne, ça ne me fait pas rêver. Né le matin, déjà adulte à 13h. Et le soir, on s'aperçoit qu'on n'a même pas vu le trésor. Passer toute sa vie assis sur son coffre-fort. La vraie richesse ne nécessite pas de garde du corps. C'est quoi être normal en fait, c'est quoi être bizarre? Peut-être que la folie nous éclaire à travers le blizzard. Depuis tout petit, on t'exclut, on te recale. Tout le monde te disait que t'étais quelqu'un de spécial. À trop s'isoler, on oublie de rigoler. Vouloir recoller les morceaux sans savoir bricoler. On ne part pas tous avec les mêmes chances. Reste à l'écoute que ton âme danse avec la dame blanche. Yo soy una bandida, los dolores los curo con aspirina. Cicatrizo rápido y dejo queloide, pa' que no olviden la maldad en el desorden. Padezco de autoestima, me quiero tanto que la envidia no lastima. Relájate, patico feo se convierte en un cisne. Y si molesta, resígnate. Mi culo no está hecho pa' sentarse. En todo caso, todos pagaremos parte. Vine solamente, vine a recordarte que si hay fuego, el fósforo lo rayaste. Que si la vida para ti no ha sido justa, no dejes nunca que nadie se te confunda. Yo soy así, ni más ni menos, ni más detalles. Me trataron de loca, loca, loca, loca, loca. Porque loca, re loca, lo conseguí. Ser quien soy, una loca que sé dónde voy. De loca. Toutes ces peurs qui nous mettent par terre, il paraît que les bouddhistes savent les faire taire. On n'est pas complotistes ni sectaires. Si nos idées diffèrent, on se dit frère, mais on se disperse. La dignité ne disparaît pas, comme la neige au Népal. Tout en haut de l'Annapurna, l'âme de l'incompris reste pure, non?